Yo yo yo, Master, c'est 7 et Hades, rap de Tess. Gloire à Dieu, j'suis pas un enfant de flic, fils dans le sang. J'pense à une fliquette quand j'nique cette gecko sur beat dansant. Des gens gentils dans l'ensemble, mais t'verras pas quand il s'agit de gens. La légende, là où y'a la maille, y'a l'homme. Voilà, j'suis à moi si on touche à maille à l'homme. Ici on civilise star, cette gecko une simili star. Le mec aussi mille histoires. Conduit des transpalettes, Master, vite combine dans cette étrange planète. L'été au TX a liquidé ses plaquettes avec des belles lunettes et des claquettes. J'ai rien d'un chip and Dale, j'suis grand et sec, Chapel Day. Mon film le shit d'Abdel, pas petit appel d'air. Qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je suis? Mais pas un bout de shit, j'arrive à tout. C'est la mélodie du ghetto, avec Hades et cette gecko. Les histoires sont sales comme le dépôt. Là où les mecs crient, c'est la merde du négo. Une fois en son prix, ils veulent changer la mélodie du ghetto. Avec Hades et cette gecko. Les histoires sont sales comme le dépôt. Là où les mecs crient, c'est la merde du négo. Une fois en son prix, ils veulent changer le topo. On vient de là où les mecs s'entretuent. Où tu pisses dans des chiottes sales. Là où tes potes te testent quand ils sont trop bu. Là où les mecs veulent ta meuf. Et comme une conne va, c'est plus une pomme qui a fait grailler, c'est un bon bras. Histoire de hall. Face à la gauche, on parle de tout où on vit, surtout des coins sales. Belle et beaucoup de crasse qui se finit sur point sale. Comment tu veux communiquer? Quand y'a anomalie, des visages sombres et de la tristesse comme en Somalie. Y'a plus de rouge dans les cœurs, maintenant tu trouves du noir. Fais belle aide où tu marches, n'arrête pas de couloir. Moi j'emmerde vos rues à balle 2. Tous les jours je pisse le temps et toi tu marches dessus comme un bleu. 1 S 2 E E T H. C'est la mélodie du ghetto. Avec Hades et cette gecko. Les histoires sont sales comme le dépôt. Là où les mecs crient, c'est la merde du négo. Une fois en son prix, ils veulent changer la mélodie du ghetto. Avec Hades et cette gecko. Les histoires sont sales comme le dépôt. Là où les mecs crient, c'est la merde du négo. Une fois en son prix, ils veulent changer le topo. J'aime pas les flics, pas le mad, les homo et les gouines. Qui crament, on a pas le monde, on a pas le même hémoglobine. Y'a pas de flics réglo, gecko les souris pile. Car ils n'ont aucun mobile pour le keblo. Ali les mots de Molière et les mots de Blédos. Comme Ali et Momo hier, il est où mon Bédos? Je viens prendre mon blé dust, donc protégez vos dents. Et comment? Au moins sommeil, la bête du Gévaudan. Préparation de commande, de collant volant 2. Faut du cash pour les goudlants 2. C'est donnant donnant vieux, on marche contre bande. Arme blanche dans l'entrejambe. Néochrome, propagande à la contrebande. Mon texte, mon cocon. Salem Nasri Abdel, faut être coco. Pour les tests, faut être trop con. Je squatte au bâtiment car. Et si tu me cherches, Master, tu n'as qu'à m'y filer les rencarts. Clic, clic, clic, clic. Encore des menottes qu'on m'a mis. Cette fois, je suis pas sorti du poste. Donc tu sais où j'ai fini. Aussi, 3 ou 4 personnes, même pas dans mon ghetto. Ils préfèrent me voir en chien. Ou assis dans le métro, voilà ce que c'est. La vie dans la rue, ça pue sec. Entre taper des cul-secs et pousser des poussettes. À cause des bâtards, tu peux taper des sept en tôle. C'est pas les jours qui te froissent, cousin, et les questions de piole. Putain, c'est chaud, y'a pas trop de choix là où on vit. Parfois ils caillent, mais chez les jeunes tu trouves les mêmes habits. Moi je te dis un truc, bienvenue dans les abîmes. Dans la rue, si t'es arrivé comme moi Zabi. Si je réussis, ils sont cachés mes sentiments. On est des frères, on vient des anciens bâtiments. J'ai le cœur aussi chaud que dans mon continent. On essaye d'avancer, on fait ça gentiment. C'est la mélodie du ghetto, avec Hades et cette gecko. Les histoires sont sales comme le dépôt. Là où les mecs crient, c'est la merde du négo. Une fois en son prix, ils veulent changer la mélodie du ghetto. Avec Hades et cette gecko. Les histoires sont sales comme le dépôt. Là où les mecs crient, c'est la merde du négo. Une fois en son prix, ils veulent changer le topo.